Les médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique ou refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Dieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi aux autres, bien entendu vous entrez dans Plus Fort J'entends Rien, le mag d'actu tout terrain en direct le mercredi à midi, rediff à 19h et pour le café jeudi à 8h du matin. Aujourd'hui j'ai le plaisir et l'immense honneur d'inviter un projet stéphanois pour ne pas changer que je vais pouvoir partager avec vous chers auditeurs et auditrices. Il s'agit du Kalouben Duo qui est en studio pour une discussion en toute simplicité suivie d'un live beaucoup moins simple, je vous le promets. Et on va commencer ce magazine par les coups de cœur de la semaine, bien entendu. Et honneur sera donné, une fois n'est pas coutume, au projet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et aux projets locaux. Je vais commencer par vous proposer la dernière sortie du bien nommé Gilles Poisa, qui a vécu un petit moment à Saint-Étienne et qui a eu l'idiote idée d'en partir. Ça arrive à plein de gens très bien. Qui sort un nouvel album ce mois de mars. Ça s'intitule Trouvé perdu. C'est une coproduction entre l'excellent label La République des Granges et Carton Records. Gilles Poisa, que j'avais reçu dans cette émission il y a quelques années maintenant, et oui, le temps file, pour présenter ses disques en solo. Il a officié dans de nombreux groupes, notamment Mazalda, et maintenant officie dans le Big Band de l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp. Là, c'est dans une forme très épurée qu'il revient, avec des synthés analogiques du Bugle et surtout sa voix en français, de très beaux textes, un disque intimiste qui m'a vraiment beaucoup parlé et qui, je trouve, va justement dans... très bien dans la thématique de cette chanson libérée des carcans dont nous allons nous abreuver les oreilles aujourd'hui aussi avec nos invités. Ce disque a été enregistré par une autre personne très importante et iconoclaste. Il s'agit d'Ernest Berger, qui est un petit peu la tête pensante du groupe Sourdure et Sourdurente. L'occasion d'annoncer un concert un petit peu événement. Nous avons beaucoup défendu le disque du trio Sourdure, ENT, sorti chez Bongo Joe cette année. Elles seront en concert le mardi 26 mars 2024 du côté du 16 rue Royer, c'est-à-dire à La Cale. Un concert événement largement conseillé par Radio Dio. Et quant à Gilles Poisa, lui, il sera en concert le 14 mars, cette fois du côté de Lyon, au Périscope. On vous conseille aussi, bien entendu, cette super salle de concert. Une soirée qui s'appelle Tempête et qui s'annonce Tempête, puisque ce sera en compagnie du trio Quatuor, maintenant Bégayé qui sort aussi un nouvel album, ça s'appelle Evoé Beg, ça sort sur le super label Le Soul. J'arrête les superlatifs, je vous promets. Une très belle soirée donc ce 14 mars du côté de Lyon. Je vous propose tout simplement d'enchaîner à présent en musique Gilles Poisa suivi de Bégayé, et on se retrouve en studio avec le Kalouben Duo sur le 89.5. J'ai mis un pied dans la pièce. J'ai mis une pièce dans la machine. J'ai une machine dans ma tête. J'ai mis ma tête dans la bassine. J'ai tout versé dans le fleuve. Et les baignés dedans, et les baignés dedans. Et les baignés dedans, et les baignés dedans. Lait étendu sur un fil. Laissez le vent l'envoler. Lait étendu sur un fil. Laissez le vent l'envoler. Laissez le vent l'envoler. Laissez le vent l'envoler. Thank you.

Bienvenue à vous, Caloubène Duo. Bonjour. Bonjour. Auditeurs et auditrices, nous sommes avec Pascal Jourdi et Benoît Cancoin pour la sortie de cet album qui s'appelle Amour aux fraîches et Tutti Quanti. Pascal, Benoît, je suis très content que vous soyez ici aujourd'hui pour cette sortie. Et peut-être commencer par ce titre qui semble comme une espèce de programme politique ou de manifeste de vie, Amour aux fraîches, Tutti Quanti. Qu'est-ce que c'est tout ça pour vous ? Ouais, mais c'est bien ce que tu as dit là, manifeste politique ou programme de vie, parce que... Bah, comme, d'ailleurs, comme il est dit dans l'annonce de ton émission... la chanson, les émissions de radio, tout ça, c'est très politique. Et voilà, nous, c'est effectivement l'espace où on a envie d'être, mais tout ça, toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et puis d'envie d'aller vers la beauté, plutôt que d'être dans une revendication un petit peu véhémente. Voilà, on a choisi cet espace. Et puis ce titre, je l'aimais bien parce que ben, on nous dit toujours qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche, et puis nous on a envie de dire qu'on vit d'amour et d'eau fraîche et puis de tutti quanti aussi. Et le tutti quanti, c'est beaucoup. C'est quoi pour toi, Pascal? Le tutti quanti, oui, ben c'est cette... effectivement, cette manière qu'on a de prendre beaucoup de plaisir à chanter tous les deux. Moi, j'adore chanter avec Benoît parce que ça me laisse beaucoup de liberté, étant donné que, après tout, mon travail sur la voix, que ce soit dans les chants napolitains ou que ce soit... et de pouvoir faire tout ce qu'on veut, en fait. Ça donne une grande liberté parce qu'on n'est pas trop coincé par les machines, justement. Voilà. Alors justement, je me disais, évoquer un petit peu les paroles. La voix, donc petit à petit, ben, par les chants napolitains qui demandent une espèce de voix d'opéra de rue, qui demande beaucoup de puissance et qui donne une énorme énergie. Donc femme qui avait osé affronter toutes les dictatures, etc., Espagne, Amérique du Sud. Voilà, donc ça a amené à des choses. Et puis après, de tout ça... Ouais, c'est vrai que... C'est toujours agréable à entendre. Ah ben, c'est pas mal. Là. Pour l'instant, tout va bien. Comment... oui, du coup, je sais pas par où commencer. Chorale, donc plutôt, ouais, plutôt chorale. Hein. Et puis après, dans mon parcours de contrebasse, j'ai fait le conservatoire, donc j'ai beaucoup... jamais perdu ça, mais j'ai aussi beaucoup parcouru le monde du jazz ouais, jusqu'aux années, je dirais, de 2002-2003, plus de, sur le coin de Lyon, mais je venais aussi de temps en temps à Saint-Étienne. Je sais pas si je m'aventure à chercher les noms. Est-ce que je vais me rappeler des noms? Non, je vais pas dire de noms, mais donc avec des musiciens. Décontextualisons. Voilà. Avec des musiciens, donc je venais quand même assez souvent jouer sur Saint-Étienne. Et puis après ça, je suis parti dans la musique improvisée, la musique expérimentale. Là, j'ai fait beaucoup de projets un peu partout, en France, en Allemagne. Donc avec cette qui permet de jouer dans tout un tas de contextes, on peut avoir l'impression de l'extérieur que c'est un milieu fermé, et en fait c'est un milieu très très ouvert qui nous permet de travailler avec des jeunes, avec des vieux, avec des concerts et tout ça par là. Mais ben, comme pour beaucoup de gens, il y a après tout ce parcours, comment il y a le Covid qui est passé par là, donc tout d'un coup plus de concerts, plus rien. Et c'était un petit peu l'époque où on s'est rencontrés avec Pascal. Et du coup, ben, on s'est dit, tiens, mais puisqu'on est là et puis que... Qu'on est coincé dans la maison, pourquoi on ne ferait pas des chansons? Et du coup, ben, toi, tu aurais envie de faire quelle chanson? Ben, moi, celle-là. Ben, tiens, moi, celle-là. Du coup, ça m'a un peu remis dans l'écriture. Parce que je n'avais pas du tout envie de faire plom-plom derrière Pascal qui chantait. Donc... ça m'a remis dans l'écriture pour écrire des arrangements sympathiques à faire et puis à entendre. Et donc on s'est fait un premier répertoire comme ça de reprises. Et puis du coup, j'ai repris des vieilles chansons que j'avais écrites dans des groupes où j'étais, pour des gens aussi, parce qu'il y a une époque aussi, je faisais pas mal d'arrangements pour les gens. Et puis voilà, ça m'a vraiment remis le crayon dans la main. Et du coup, ça m'a redonné envie d'écrire. Fresh et Tutti Quanti qui sort. Et là, c'est que des compos. Il y a 11 titres sur cet album qui sont assez variés dans l'approche à la fois du rapport au duo, du rapport au texte, du rapport à la voix aussi. Il y a pas mal de choses qui font qu'il y a des moments de solo, des moments instrumentaux, la voix utilisée plus comme instrument ou plus comme vecteur de sens. Comment est-ce que vous avez travaillé sur l'équilibre de toute cette petite mosaïque instrumentale ? Ça n'a pas été tout forcément... En même temps, si, ça a été assez limpide. Quelquefois, justement, je me disais, tiens, ben, on a ces trois chansons-là, du coup, ça manque un petit peu de ce côté-là. Et puis, comme disait Pascal, on aime bien la chanson, mais on aime bien aussi la voix. Et de pouvoir exprimer, c'est marrant parce qu'hier soir on était à Saint-Étienne à une conférence, enfin une réflexion philosophique au magasin. Au magasin, ouais. Et en fait, il y avait beaucoup d'analogies, c'était sur le corps et la poésie. Et de pouvoir exprimer des choses sans forcément mettre des mots, parce que parfois on n'a pas les mots pour dire ce qui se passe en nous, que ce soit dans l'amour, que dans l'amour charnel ou dans l'amour... en général avec un grand A, et de pouvoir le traduire par des sons, par des cris, des bruits, quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient des tripes. Et moi, c'est ce que j'aime parce que Benoît, il me permet ça. Voilà. Ouais, ouais, puis je trouve que c'est... On est un duo, on dit toujours, hein, on est un duo de voix et contrebasse. Donc on se cantonne pas à la chanson, enfin voilà. Mais il y a beaucoup de personnes qui font des cordes, je dirais contrebasse, violoncelle, où on entend énormément la comparaison justement entre cet instrument et la voix, qui ont un rapport assez vocal finalement, même au violon aussi. C'est vrai que t'as un corps à côté de toi, la contrebasse c'est vraiment quelque chose qu'on enlace, quelque chose de très charnel. Ouais, c'est... Et puis, je pense que c'est des instruments où on est obligé, énormément de chanter. Quand on joue, d'ailleurs, il y a certaines chansons où j'ai beaucoup été obligé de travailler l'indépendance entre le chant et ce que je joue à la contrebasse, parce que c'est assez compliqué. Parce que comme ce sont des instruments où la note n'est pas fabriquée, c'est nous qui faisons la note. On se chante beaucoup dans la tête parce que la justesse c'est ce qu'on a dans la tête, c'est pas le ré ou le mi qui est écrit sur la partition, c'est le ré ou le mi qu'on va se chanter nous dans la tête. Et donc c'est proche de la voix, ouais, c'est très proche de la voix. Et puis l'archet c'est très proche du souffle. Et du coup on retrouve les vibrations, enfin moi quand je chante je me sers beaucoup de ce que je ressens, des vibrations de la contrebasse effectivement, et puis de l'archet qui amène des choses plus glissantes, je sais pas comment on peut dire, plus liées. Voilà. Concernant l'écriture, comment vous avez abordé le travail à deux mains, quatre mains, je sais jamais comment on dit à ce moment-là. Vous avez déjà deux mains, visiblement. Donc, comment ça s'est réparti ? Est-ce que vous avez passé le cap d'une écriture collective ? Est-ce que vous avez écrit chacune de votre côté ? L'écriture, c'est beaucoup moi. Regarder son amour, par exemple, qu'on va faire tout à l'heure, c'est une chanson dont Pascal a écrit le texte, et donc après c'est moi qui ai fait la musique dessus. Et alors quand je dis que j'ai écrit, ben forcément comme dans toute formation, on amène un travail à peu près abouti, et puis qu'on tord un petit peu ensemble après pour rallonger ici, raccourcir là, bien sûr, hein, tout ça, c'est vraiment un travail de duo, mais qui part principalement de mon écriture. Ouais. Tu parlais de regarder son amour, oui, c'est ça, qui raconte aussi le Covid pendant lequel visiblement Kalouben duo est né, et cette manière justement de regarder l'autre et ce rapport à la distance. J'avais envie de revenir un petit peu, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est maintenant au stade où on voit des films qui ont été tournés pendant le Covid avec des masques, où il y a, on a accès à tout un volume de création qui s'est fait en 2020. Vous, ça a été un cocon, une bulle, en même temps aussi une peur, visiblement, parce qu'il y a cette thématique dans le morceau. Ça a été un cocon, plutôt, je dirais, moi. Bon, on avait, bien sûr, comme tout le monde, un peu, on trichait un peu pour sortir quand même, pour aller prendre l'air dans les prés qui sont bien répartis autour de Saint-Étienne. Mais oui, c'était une bulle parce qu'on n'avait rien d'autre à faire en fait. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis moi, j'ai chopé un Covid, donc je suis restée couchée, j'étais dans le cirage. Et je voyais Benoît qui, lui, se déplaçait, et d'où cette chanson. Voilà. Je voulais revenir sur le processus, parce que c'est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés, je vous disais, c'est vrai que vous n'avez pas perdu de temps. Vous m'avez dit que votre premier concert était en juin 2023. Vous avez enregistré en septembre 2023. Vous avez sorti le disque en mars 2024. C'est un processus assez rapide quand même pour un groupe assez jeune. Et j'ai noté la phrase que vous m'aviez dit la dernière fois. Vous m'aviez dit... On fait de la marche rapide car il ne reste pas beaucoup de temps. Ça m'avait fait un peu marrer. Vous pouvez nous parler un peu de ça? Ben, ça s'est très bien enchaîné tout, quoi. Ça a été très simple, en fait. Bon, on est tous les deux dans le milieu de la musique, hein, donc trouver quelqu'un qui peut nous enregistrer, trouver... Enfin voilà, tout ça, on connaît quand même bien. C'est pas notre premier disque, ni à l'un ni à l'autre. Donc on peut pas griller des étapes, mais on peut les accélérer. Et puis ça s'est très très bien passé. C'est pareil, le design du disque que j'aime beaucoup, c'est Tony Curaga, un photographe espagnol, enfin qu'on aime beaucoup, qui est dans la famille par certains côtés. Enfin, c'est lui qui a aimé ce qu'on a fait et qui du coup a réagi tout de suite, nous a fait des photos alors qu'on n'avait pas prévu ce moment-là. Mais tout s'est vraiment enchaîné comme ça, quoi. Ouais, ouais. Voilà, tout est. Non, ça a été. Il y a eu beaucoup d'évidence. Est-ce que l'expérience de l'âge enlève de l'hésitation dans la création? Est-ce que vous avez cette impression-là? Pour moi, l'âge, mon problème, c'est la voix. Et je me dis, jusqu'à quand elle va tenir ma voix? Bon, peut-être, je regarde, il y a des gens qui, à 90 ans, chantent encore. Hein, donc, musculairement, tu veux dire, du coup? Oui, ouais. Je ne sais pas. Je n'ai pas cette expérience-là, donc je pars un peu dans le vide, enfin, dans l'aventure. Mais si je ne chante pas, je ne suis vraiment pas bien, en fait. Ça, c'est quelque chose... J'ai besoin de sortir ma voix, sortir... Voilà, des choses. Même s'il n'y a pas de mots, il faut que ça sorte. Donc, c'est une manière de rester vivante. Voilà, c'est ça. C'est ce que disait Victor Hugo. J'ai envie de mourir vivant. Eh bien, on va finir sur ces mots, cette première partie d'entretien, et proposer une demi-heure de live, donc, de morceaux extraits. Voilà, on vous a préparé ça. On a quelques secondes, minutes d'installation, et puis on revient en son. Bah, si vous voulez prendre le temps, je vous propose, alors dans ce cas-là, j'avais pas pensé, mais je vais improviser ça. J'avais quelques annonces un petit peu agenda à faire, le temps que vous vous installiez un petit peu. Allez, et puis on marche. Se retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite. Sur le 895. Petites annonces stéphanoises improvisées du coup, puisqu'il se passe beaucoup de choses dans Saint-Étienne. Il s'en passe aussi alentour, mais pour l'agglomération et tout le territoire de notre bassin, je vous renvoie bien entendu au magazine des mots des sons sensibles et ses agendas incroyables et de précision. Je vais être beaucoup plus expéditif en vous annonçant des coups de cœur avec des gens avec qui on travaille pas mal et qu'on suit de près. Et je parle notamment de la MJC des Tilleuls et du cinéma Le Méliès, puisque ce vendredi 15 mars, il y aura une double projection du côté du Méliès Saint-François, qui a été coordonnée avec la MJC, puisque à 19h, Il y aura la projection d'un film qui s'appelle Lyon-Conakry, avec suivi un débat-discussion avec la CIMADE et une buvette et buffet froid à prix libre. Et à 21h, la projection du film Chemin inverse. Chemin inverse qui est un film réalisé par les adolescents de la MJC des Tilleuls, qui sont 14 jeunes qui sont partis du côté de la frontière franco-italienne, qui ont filmé tout ça et qui reviennent avec un rendu très personnel et particulier que vous pourrez et voir justement à prix libre du côté du Méliès ce 15 mars. Autre rendez-vous cette fois en soutien aux familles en difficulté à l'école des frères Chappe, vendredi 15 mars aussi, à partir de 19h, des pizzas, du feu de bois, des chorales et des DJ karaoké. Ce sera du côté de la Cale, rue Royer, au Crédroc. Et autre élément de soutien extrêmement important, c'est à la Tablée que ça se passe le dimanche 17, avec à midi la cantine pour cantiner de la restauration collective et conviviale à prix libre, en soutien aux proches d'une personne détenue. Tout cela, c'est du côté du Quai de Roc, les 15 et 17 mars. Et maintenant, c'est du côté de la colline de Beaulieu que nous revenons en studio pour le concert de Calomène Duo. Auditeurs et auditrices, voici en exclusivité live sur le 895. Non, mais. Mais non, c'est, moi, c'est pas. Non, non. C'est, bon. Mais tu sais, on avait le. Ah, mais non, mais c'était bon. C'est pas du tout. Mais non. Là, c'est moi. Bah, non. Et moi. Ah non. Ah bah. Ah non. Ah bah. Et alors. Non, non, et puis d'ailleurs. Oh bah alors. Te souviens-tu de nos deux corps assis à regarder la mer, bercée par sa chanson? On s'embrassait, se regardait, on se souriait, les deux regards perdus dans l'horizon des sensations. Te souviens-tu de nos deux corps tenus au bord de la rivière, bercés par sa chanson? On s'arrosait, se pourchassait, on se faisait couler de Robinson. Et s'il te plaît, dis-moi pourquoi il faudrait renoncer à ça, laisser le fer et le béton envahir tous nos horizons. Te souviens-tu de nos belles escapades? On partait nés au vent, poussé par une chanson. On démarrait, on s'arrêtait, on repartait, tout défilait, rien ne bougeait. Et te souviens-tu de nos premiers fous rires qui déformaient nos bouches comme le font les chansons? Ils s'invitaient sans demander, faisant venir les larmes et nous laissaient tout chambouler, tout essouffler. Et s'il te plaît, dis-moi pourquoi il faudrait renoncer à ça, laisser la peur et les frissons devenir nos seules sensations. Là, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da tes mains, de mes mains, parcourant dos de corps, guidés par leurs chansons. Dans chaque endroit de chaque doigt ou du creux de la main, on visitait, on parcourait, on se faisait vibrer. Te souviens-tu quand nos deux corps unis n'en faisaient plus qu'un seul, une seule chanson. On se perdait dans une immensité qui soudain explosait. Et ce n'est pas fini, l'après n'est plus pareil. Quand on leur prête vie, les vibrations sont là, dans nos corps, dans nos bras. Et s'il te plaît, dis-moi pourquoi il faudrait renoncer à ça. Laisser la haine et la méfiance s'intercaler entre nos danses. Et ce n'est pas fini, l'après n'est plus pareil. Quand on leur prête vie, les vibrations sont là, dans nos corps, dans nos bras. Et ce n'est pas fini, l'après n'est plus pareil. Quand on leur prête vie, les vibrations sont là, dans nos corps, dans nos bras. Et ce n'est pas fini, et ce n'est pas fini, et ce n'est pas fini. Ce n'est que le début, ce n'est pas fini. Caloubène duo sur duo. C'était une chanson qui s'appelle Te souviens-tu. Et maintenant, en bateau. Oh. Louben Duo sur Radio Duo. Une chanson dont on vous a parlé tout à l'heure. Et ça se passait en août 2022. Regardez son amour. Minéral craquelé, conscience trouble qui fumant de plaisir creuse la nuit. rapprocher sans heurter. Corps et crépuscule, délacer ta cuirasse et respirer ton cri. Arpenter le cratère inférieur de tes songes, se confondre, répondre au rayon de l'étreinte. Minéral craquelé, conscience trouble, qui fut mort de plaisir, creuse la nuit, collée par ta lave, silencieuse, étrange, corps et crépuscule, en toi s'évanouit. Makeya, makeya, makeya, makeya, makeya, makeya, makeya, makeya. Collé par ta lave, silencieuse, étrange. Corps et crépuscule, en toi s'évanouit. Rapproché sans heurter, corps et crépuscule, délacer ta cuirasse et respirer ton cri. Minéral craquelé, conscience trouble, qui fut mort de plaisir, creuse la nuit. Makeya, makeya, makeya, makeya, makeya, makeya, makeya, makeya, makeya, makeya, makeya, makeya. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais... J'ai besoin de sauvage. De sauvagerie. Ça veut pas dire de sauter dessus comme des bêtes sauvages, qui d'ailleurs ne se sautent pas dessus. Mais j'ai besoin d'âpre, de rugueux, de pas connu, de pas prévisible, de pas unifié, de pas... calibré, de pas calculer par ordinateur, des trucs qui surprennent, des trucs qui soient vivants, des trucs qui évoluent comme un océan, comme un soleil levant. Alors quand je suis comme ça, je pars dans les bois, marcher pendant des heures, flirter avec mes peurs dans le noir, les chemins creux, dans l'immensité de la mer, dans des terres pas connues. peut-être croiser un loup, moi pauvre brebis. Mais pas devenir une machine, pas devenir un pantin qui dira oui à tout. Si c'est dans l'algorithme, celui que les GAFAM ont calculé pour moi. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est pas ce que je veux, c'est pas mon idée. Moi j'ai juste envie de créer chacune de mes journées, de faire que le jeudi soit pas comme le mardi, de faire que mon amour s'exprime comme il le veut, et que ce que je veux, tout le monde puisse l'avoir. Va faire des tours d'ivoire, va tuer tous les renards pour pouvoir être peinard, mais les laisser en vie, que le monde reste monde. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je n'ai plus envie de continuer à casser sans pouvoir exister, sans regarder à côté, sur le bord du chemin, ce que nos délires d'humains éliminent chaque matin. On sera bien content quand tous les continents seront rasés de près. Plus d'arbres, plus de chants d'oiseaux, juste un poste de radio pour donner des nouvelles des autres citadelles ou d'autres derniers humains. Sans merde comme des chiens qui d'ailleurs ne s'emmerdent pas. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai besoin de sauvages, de beaux, de plein, d'amour pour tous, pour toujours, de frissons, de bisous, de sourires, de regards, de mots, de paysages, de gens passages, de câlins, de balades, de ronds dans l'eau, de rêves, de ronds dans l'eau, de rêves. Arrêtez, redémarrez, laissez. forme s'amuse des sommets. Elle frôle, écrase, elle affole. Elle aime ce qu'elle fait. Comme un petit escargot, elle trace un chemin vers le haut. Soupir, guide chaque délire, prendre le temps, écouter constamment. Écouter constamment, prendre le temps, Kalouben Duo pour un enchaînement de deux morceaux qui vient d'être effectué. Continuez. Je te vois regarder l'horloge, mais tu peux continuer tranquille. Mais oui, on va dépasser. On est là pour ça. Une petite dernière. Le public demande un rappel. Vous ne l'entendez pas ? Voilà. Si, on l'entend, c'est pour ça. Je reprends juste un peu mon souffle. Parce que. Donc là, les deux chansons qu'on vous a faites, là, tout de suite, qu'on a enchaînées, c'est une première chanson qui s'appelle « Besoin de sauvage ». Et la deuxième chanson, donc, qui a été chantée par Pascal, Peau. S'appelle « Peau ». Une histoire de peau. Une histoire de peau. Toutes les deux et extraites de « Amour aux fraîches » et « Tutti quanti ». Eh oui, c'est dans l'amour, la peau, c'est important. X, E-A-U-X, vous avez Et là, une petite chanson qui s'appelle « Ne te referme pas ». Elle va nous permettre de partir en douceur. Non, mon crâne, ne te referme pas, pas trop vite, laisse-moi encore. Les vapeurs de mes rêves, sortilèges, ne permets pas à l'ordre, au quotidien, aux habitudes, de tout reprendre, de tout ordre, servitude. Non, mon crâne, ne te referme pas, pas trop vite, laisse-moi encore échanger avec l'inconnu imprévu. Laisse entrer la magie du plaisir, écoute bien ce qu'elle a à nous dire, n'aie pas peur de sa puissance jouissante. Sensible aux frissons des vents fragiles, laisse-les te caresser secret. Vous mes yeux, restez larges ouverts, appréciez toutes les lumières, dégustez chaque sourire ébloui. Merci. Bravo, bravo, bravo. Voilà, on vous entend bien. Bravo, merci cher public pour le Kalouben Duo. Merci Radio Duo, vraiment c'était un plaisir. C'est très particulier de faire un concert sans public, mais avec du public qui n'est pas du public, qui n'est pas là. Donc c'est très... Mais merci beaucoup. J'ai essayé de faire full, mais c'est pas toujours facile. Puis je voudrais pas faire preuve d'un ego débordant qui fait que je me sens plusieurs personnes. Merci à vous donc pour ce duo. Je le rappelle, donc sorti ce mois de mars de cet album autoproduit Amour aux fraîches et tutti quanti, distribué par Inouï Distribution avec Pascal et Benoît. Vous pouvez reprendre vos micros, enfin comme vous voulez d'ailleurs. Tu préfères être debout. Non, mais je vais poser la contrebasse. Faut qu'il pose sa contrebasse. Oui. Prends ton temps. On va discuter rapidement. Oui. Vous voyez, ces dernières chansons là qui parlent beaucoup de peau et de ce bonheur là, d'être avec l'autre par la peau, mais aussi par la pensée, par l'amour, etc. On avait choisi ce chemin pendant justement cette période Covid qui avait plutôt l'envie, peut-être des intérêts politiques, à faire que les gens se séparent, ne s'aiment pas, soient en colère, etc. Et on a pris l'autre partie. L'autre partie politique. L'autre parti pris. Et en essayant un peu de le partager avec les gens qu'on pouvait voir pour faire du bien. Voilà, c'est ça. Puis cette envie de... d'aller vers la tendresse, vers le beau. C'est pas du tout de la naïveté, ou parce que évidemment c'est toujours ce qu'on renvoie quand on a ces propos là mais c'est pas du tout bisounours, ou c'est pas du tout de la naïveté, mais c'est envie d'aller refuge un petit peu. Bah, puis oser dire des vrais mots en fait, parce qu'on finit par ne plus parler d'amour comme ça, paf, cash. Ah, voilà. Une espèce de crainte de parler au premier degré, oui, vous voulez dire? C'est ça. Et je crois qu'il faut oser le dire. Ouais. Voilà. Parce que les gens qui sont très haineux, très méchants, ils osent le dire. Donc si nous, on n'ose pas dire qu'on est content vers l'amour, content vers la tendresse, vers la beauté, vers la des solutions douces, du coup, on nous entend pas. Donc on a voulu prendre la parole comme ça. Et que ce soit facilement compréhensible. Un peu ce que je dis aussi dans Besoin de sauvage. Le sauvage, c'est pas mauvais, c'est pas non, au contraire, moi je trouve qu'on a besoin. Ouais, voilà. Enfin, cette chanson, elle est sortie un peu comme un cri. Et c'est vraiment ça, quoi. On a besoin de choses pas manufacturées, de choses pas délimitées, de choses qui surprennent. Et je pense que dans l'amour, c'est pareil, quoi. Si on cherche trop à coller un archétype, du coup il n'y a plus de vie possible, alors que là si notre amour c'est notre amour, c'est pas celui d'à côté qui est très très bien aussi, mais c'est pas le même, donc voilà. Et puis pour changer le monde, c'est vrai qu'on peut faire la guerre, mais nous on préfère faire la paix et puis réfléchir ensemble, s'asseoir. Et il y a une chanson qu'on n'a pas faite ici, qu'on fait en public, où à un moment on dit mais pourquoi on prend pas le temps de s'asseoir et de réfléchir, quoi, pour essayer de chercher des solutions ensemble. Tendresse, humain, pulsion, ancien, pleine, Other Things of Life, le titre du deuxième peut-être album à venir. Ouais, il est en route. Hein, il est en route. Il y a des chansons qui viennent régulièrement là. On est pressé en fait. Là, hein, on a. Là, on a comment on va avoir une tournée en Bretagne début mai, et puis on va revenir jouer dans la région ici fin mai début juin. Tout ça, ce sera sur notre site internet qui est, dans le premier temps, il faut taper mon nom, c'est benoît.cancoin/caloubenduo. Donc sur notre site, on mettra tout ça. Mais là, on a un mois un peu tranquille, là, un peu plus d'un mois. Et on a justement 3-4 chansons là qu'on veut vraiment bosser parce que pour intégrer un nouveau set voilà. Live. Ouais, voilà. Pour je sais pas si on va les intégrer dans ce set là ou si on va faire un autre set. Voilà. Ça, c'est une discussion. Voilà. Ouais. Et puis pour faire tout un set, faut plus que ça. Mais voilà, ça vient à son rythme. C'est chouette. Mais en tout cas, si vous voulez. Être dans notre mailing pour recevoir les infos, pour recevoir tout ce que l'on fait avec des peintres, d'autres artistes plasticiens. Vous pouvez écrire à Kalouben, Kahlouben duo @gmail.com. Ouais, on a l'adresse la plus bête du monde, gmail.com. Oui. C'est pas faute que tu parles des GAFA dans ton texte. Ben non. On a aussi une adresse Proton, hein, ouais. Proton.me, proton.me. La même Kalouben duo tout attaché. Proton.me. On est en train d'essayer de basculer de l'un à l'autre, mais les GAFAM se défendent bien, et donc du coup, une fois que t'as plus l'adresse qu'il faut, tu peux plus faire ci, tu peux plus faire ça. Enfin voilà, ils ont des canines bien affûtées. Donc. Puisque tu parlais de plasticien, j'avais envie de revenir aussi un peu là-dessus, parce que j'ai eu l'occasion de regarder sur une plateforme de GAFAM que je ne citerai pas, bien entendu, la vidéo du clip que vous avez réalisé avec Domitia Tosato du collectif Eina. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette création graphique aussi, puisque ça a l'air d'être un à côté assez important pour vous? Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai beaucoup fait de choses dans beaucoup de domaines, et j'ai beaucoup fait de choses avec des peintres, des dessinateurs, j'ai beaucoup travaillé avec la danse aussi. Et j'ai fait il y a quelques années, c'était pendant le Covid, puisqu'on on a fait une représentation chez eux pendant le Covid. Du coup, qui était diffusé sur le net, qui n'était pas projeté pour du public, puisque le public était chez eux. Et donc, on appelait ça, enfin, c'est eux, hein, qui appelaient ça les concerts dessinés. Et on en a fait plusieurs ensemble. Et moi, j'aime beaucoup le travail de Domitia. Donc, plutôt que de mettre sur YouTube nos chansons, pour pas le nommer, nos chansons avec une photo, j'ai demandé à quelques artistes plasticiens que j'aime beaucoup de nous dessiner ou peindre quelque chose sur une chanson. Et donc Domitia nous a fait ça, c'était courant février, hein, c'est ça. Et c'est super, elle a fait vraiment un boulot super. Donc sur Te souviens-tu, la première chanson qu'on a chantée là. Et on retrouve bien effectivement l'ambiance des concerts dessinés du collectif Eina, avec le dessin sur verre, on voit les mains, ça s'efface, ça se modifie via la texture, etc. C'est vraiment ce sur quoi, enfin, on a discuté. Et c'est très vivant, c'est très vivant. D'aborder le dessin. Ouais. Et puis, je pense que je parlais tout à l'heure de naïveté, de fraîcheur, et moi je trouve que Domitia, elle a ça dans son dessin qui est vraiment très frais, et du coup je pensais bien que ça irait bien avec nous. Et là on a une collaboration qui est en cours là, avec un peintre lyonnais qui s'appelle Guillaume Delorme, avec qui aussi j'ai pas mal travaillé, et qui lui peint et dessine sur des palettes graphiques. Donc il est en train de nous faire quelque chose sur la chanson Peau, donc là presque la dernière là, qu'on a chantée l'avant-dernière. Parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément sur le nu, donc je me suis dit que ça c'était une chanson pour lui. Et il était ravi. Il est ravi de la proposition, et donc ça va sortir bientôt. Donc si vous voulez aller vous abonner à notre chaîne YouTube, Kalouben Duo, c'est le moment. Il y a ça, il y a une page SoundCloud, et puis il y a aussi l'interface d'Inouï Distribution si vous voulez commander le disque en physique. Et puis aussi, on est sur toutes les plateformes. Grâce à Inouï Distribution, on est sur toutes les plateformes, là, Spotify, Deezer, je sais pas, moi je les connais pas bien, mais on est sur toutes. Voilà donc l'éventail promotionnel que propose cette sortie, je rappelle. On n'a pas encore de t-shirt et tout ça, mais non, on n'ira pas par là. Mais voilà, mais par contre, sur des choses, sur, justement avec d'autres artistes, ça, on est très friands de ça, oui. Est-ce que vous parliez d'une date vers Saint-Étienne au mois de mai ? Vous savez de quel côté ça va se passer ou c'est pas encore si précis ? Alors, c'est loin, c'est, mais... C'est précis. Hein, ouais. Alors le 26 mai, on est au Puy-en-Velay, au Garage K. Le 1er mai, non. Non, le. Je suis en train de dire une bêtise. Le 29 mai, donc je crois. Après le 29. 30. Ou 30. Le 30, ouais, 30. On est à Failly-sur-Lignon. Et le 1er juin, on est à Marles. Très bien. Voilà. Donc, pas de centre-ville stéphanois. On n'a pas de centre-ville stéphanois pour l'instant. Tous les jolis alentours au mois de mai, c'est quand même les endroits où il fait bon. Voilà. Après une journée bucolique, venez écouter Caloubène. Parce que le planning est tout vu. Ouais. Voilà. Merci à vous deux. Il y a peut-être une chose que vous voulez rajouter avant. Merci beaucoup. Bon, si vous avez des lieux de concert à nous proposer, évidemment, on est voilà. preneurs. On avait parlé, oui, des petites annonces. Donc, lieux de concert, tourneurs. Tourneurs, tout ça. Voilà. Toutes les personnes qui ont accroché, qui sont fans, n'hésitez pas, bien entendu, à contacter Radio Audio. Nous ferons passer le message avec grand plaisir. Voilà. Super. Super. Merci à vous deux d'être venus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Sauvage, impénitent, Radio Dio. Radio Dio, 89.5 FM. Et on va finir avec les coups de cœur de la Ferrarock, les deux disques retenus par notre fédération des radios associatives avec les musiques pas pareilles, que vous retrouverez en interview dans l'émission Diggers, le vendredi à midi, rediff à 19h, puis le lundi à 8h du matin. Je commence tout de suite avec Ella Ronan et ce très beau disque indie qui s'intitule The Girl Skin. C'est sorti chez BB Island. Je vous propose la première track de ce disque tout de suite. Elle s'intitule Truth, puisqu'il était visiblement de rigueur aujourd'hui de dire un petit peu de vérité bonne à entendre. I'm writing you this letter now, 'cause truth is on its way. Not going to send it, 'cause truth is on its way. And even if I did, you couldn't stop it, 'cause truth is on its way. You'd make calls and you'd panic, but truth is on its way. Your husband ass is on a chair somewhere, and truth is on its way. Sipping tea and jotting down a line while truth is on its way. You look up smiling unafraid while truth is on its way. You don't hear the glasses shake, but they do, 'cause truth is on its way. Did you really think things won't add up? Man, truth is on its way. Better get your loved ones closer now. It's your turn to live in fear. Here's all that shame you gave me right on back, 'cause truth is all. Thank you. cœur à présent du réseau Ferrarock n'est autre que l'inusable collectif marseillais que l'on nomme Chinese Man, avec un nouvel album sorti ce mois de mars. Il s'intitule We've Been Here Before, autoproduit sur leur propre label Chinese Man Records, comme de coutume. Et je vous propose d'écouter la 12e piste de ce disque Sacre Bleu, avec pas mal de featuring, dont ce rappeur que je déteste parce que je ne sais pas prononcer son nom, Michel Inus, avec Stugity, ASM et Youthstar. On a un CD à faire gagner si vous nous appelez au 04 77 438 895, 77 438 895 pour ce nouvel album de Chinese Man, sur lequel nous allons nous quitter, chers auditeurs. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur le 85 de Dio ou ailleurs. Prenez soin de vous et de vos autres. Ciao. She wanna go backstage without the She can't pronounce my rap name, Sacre. Bitch, come kick it, I'm killing Mbappe, Alele. She had melanoma, still bobbing off, Sinaloa edibles. Daydreaming AG and archipelagos, face beaming with the rays eating out of every pole. Chemotherapy, the radiologist, keep her heavily sedated off of this at a heavy toll. She couldn't walk around with her head exposed, but she could be Marilyn Monroe. Rarely come through without a half ounce of weed. Got a serious case of hand flipping mouth disease. She's like a mouse to cheese, magnetic athletic stats, aiming at breaking lap records. Rap, and you can't beat that with the whisk. Save the whole mix like Schindler's List. Lips steer clear of the glasses of the tannic ass rouge. They're longing for a crisp, fresh, smooth mugger. Sucker sipping IPAs, but I'd rather have a not a brunette, a redhead, a cheeky little yup. Like back in 98 when France had Laurent. Artisanal crafts and a vast batter. The blonde cutie with a big split for tutti frutti. Never had a single cootie, walks with a wobbly booty. She sleepwalks, I mean it's a kind of spooky. But I'm an awkward kind of guy, they call me English, but I hate a footy. I play footsie when she puts it on my tootsie roll. And I can run right out of the park, I'm screaming like I scored a goal. I take a big swig of ethanol and let her grab the pole and blow and go for gold and show the world I made it. As yo, a matter of fact, pack cash in a calabash, scattered with a sprinkle of the cess, Fabregas. Shattered glass with my earlobe, then I let my beard grow. Still control the game like Pirlo. From the back, the Regista, Twister. Blunt rolled up in a butterfly schnitzel. Got a little carried away, Fritzel. Incest bars and a healthy little triple of the pot stick a dim sum, I could bring my kingdom for the rather captivating as I'm bathing in the macerated. Let me get a Henny and a bottle of the Sauvignon. From the Palais Longchamp all the way to the peak of Mont. Blonde ale makes my face turn pink tomato. But this gon' be a problem when I'm drinking Jaeger. I meet your mama and an instant later. We'll be on a dance floor like Mia Wallace and Vincent Vega. I'm a Tarantino movie in life form. Mick Blue with a mic, y'all. My music is like porn. The type of rapper that these groupies will fight for. They keep asking me, who do you like more? You, baby. Butterfly schnitzel.